Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Une quarantaine d'agents de l'Office burundais des recettes ont été remerciés, tandis qu'une douzaine d'autres ont été emprisonnés au cours de l'exercice 2022-2023. Révélation faite par le commissaire général de l'OBR. C'était lors de la célébration ce mardi 5 décembre de la journée dédiée aux contribuables édition 2023. L'occasion aussi pour le directeur national de l'organisation PARSEM de plaider pour l'égalité en matière de paiement des impôts et taxes. Les fabricants et importateurs de liqueurs craignent d'enregistrer de grosses pertes si la mesure les sommant de changer d'emballage venait à être observée d'ici le 1er janvier prochain, comme annoncé. Ils ont exprimé ces inquiétudes au cours d'une réunion organisée par le Bureau burundais de normalisation BBN. Et dans les nouvelles de Provence, une femme a été tuée, une autre violée au cours de la nuit de lundi à mardi à la 5e transversale et au village 6 en commune Gihanga de la province Bubanza. Et en commune Burambi de la province Rumongel, on nous rapporte l'arrestation par la police ce lundi de deux présumés auteurs de viol. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les fabricants et importateurs de liqueurs qui dépassent le taux d'alcool de 16% demandent au ministère du Commerce de sursoir à la mise en application de la mesure, leur interdisant d'emballer leurs boissons dans des bouteilles de 300 ml et qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Lors d'une réunion organisée ce mardi par le Bureau burundais de normalisation BBN, ils ont avancé que cette décision a été prise au moment où ils avaient passé de grosses commandes à l'étranger. Le directeur général de BBN a fait savoir qu'il va soumettre leur doléance au ministère du Commerce dans l'espoir d'obtenir une révision de la mesure. Jean-Marie Vianney et Ndakouman. Lors de cette réunion qui a été organisée ce mardi par le Bureau burundais de normalisation BBN en sigle à l'intention des importateurs et fabricants de liqueurs dépassant le taux d'alcool de 16%, les participants ont indiqué qu'ils ont mal accueilli la décision du ministre en charge du commerce les interdisant d'emballer ses boissons dans des bouteilles de 300 ml. Celui-ci est les deux. Nous avions plus de 2000 cartons de vin, plus 3000 cartons en cours de route. Ils sont presque déjà arrivés à Bujumbura. J'ai écrit au ministre du Commerce. Elle n'a pas voulu me répondre, mais je crois que ce n'est pas une bonne chose parce que nous avons droit à la réponse. Elle a pris une décision sans voir le paramètre des stocks qui sont là existants. Que nous ne soyons pas pénalisés et avoir des pertes énormes. Mais vraiment, quand je vous dis, monsieur le directeur général, des pertes énormes. Nous travaillons selon la réglementation. Nous n'avons jamais été consultés par les techniciens du ministère du Commerce. À cela, le directeur général de BBN ne les rassure pas, mais il leur promet uniquement de soumettre leurs inquiétudes à la hiérarchie. Comme vous l'avez entendu, n'est-ce pas, ils ont essayé de donner leurs raisons, qu'ils payent des impôts, qu'ils subissent des pertes, qu'il y a des importations et qui sont toujours en route, que les délais soient augmentés, etc., etc., vous avez senti. Ils ont exposé leurs problèmes, nous les avons écoutés et nous comptons transmettre leurs doléances aux autorités de notre ministère pour voir si les décisions qui sont prises dans le communiqué puissent être révisées ou pas. Quant aux consommateurs de ces boissons, Severe Sindai Kengera les exhorte à consommer de façon responsable après avoir mangé. Et à l'endroit des consommateurs de ces boissons alcoolisées, ce que nous pouvons dire à ces gens, ils devraient consommer ces boissons alcoolisées après avoir mangé ou consommer d'une façon responsable, c'est-à-dire ne pas prendre une quantité et qui est très grande. La décision du ministre en charge du commerce interdisant d'emballer des liqueurs dans les bouteilles de 300 ml a été prise le 27 octobre 2023 et sera mise en vigueur le 1er janvier 2024. À partir de cette période, les bouteilles exigées auront une dimension de 750 ml. Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Et l'Association des banques et établissements financiers du Burundi, ABF en sigle, explique que la hausse du taux directeur passé de 5 à 10% par le souci de la Banque centrale de maîtriser la circulation de la monnaie. Le président de cette association fait également savoir qu'avec cette hausse, le coût du crédit augmente pour les clients des banques commerciales. Raison pour laquelle Roger Guy Ghislain Nwenguye propose au gouvernement de mettre en place des mesures susceptibles de booster l'économie du pays tout en allégeant le fardeau à la population. Il s'exprimait ce lundi au moment où l'ABF procédait au lancement de la semaine des banques. Suivez-le. Vous avez entendu récemment, notamment la Banque centrale qui a annoncé les mesures de taux directeur, des taux directeurs qui ont été fixés à 10%. Mais si les taux directeurs sont fixés à 10%, vous comprenez que c'est toute l'activité économique qui sera aussi impactée parce que les banques sont obligées d'ajuster les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, s'ils sont âgés dans cette situation-là, vous comprenez que le coût du crédit sera aussi impacté, donc à la hausse, une charge additionnelle sur le crédit. Ce sont donc des mesures contraignantes qui, à la fin, font que le crédit devienne cher. Et si le crédit devient cher, vous comprenez que non seulement l'activité économique se trouve impacté parce que les banques n'auront pas la possibilité de financer comme on le souhaite des grands projets parce que les bénéficiaires des crédits aussi auront du mal à supporter la charge d'intérêt. Donc nous continuons à sensibiliser l'autorité politique essentiellement pour recommander que des mesures fiscales certes sont nécessaires, mais il faut aussi prendre en compte la réalité économique et de prendre d'autres mesures d'accompagnement pour accompagner les réformes qui sont nécessaires pour que l'économie du Burundi puisse aussi se mettre à niveau. C'était Roger Guy Ghislain Nwengouye, il est de l'Association des banques et établissements financiers du Burundi, ABF. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par CM plaide pour l'égalité en matière de paiement des impôts et taxes à l'occasion de la célébration ce 5 décembre de la journée dédiée aux contribuables, édition 2023. Faustin Dikoumana, directeur national de cette organisation, a estimé que certaines gens échapperaient à cette obligation. Il trouve en outre que le gouvernement devrait développer la transparence budgétaire. Il faut l'égalité de tous devant la loi, comme le dit la Constitution. C'est pour cela qu'il faut combattre avec la plus grande énergie la fraude fiscale ainsi que les exonérations. Malheureusement, les exonérations sont accordées sous forme de collision entre certains opérateurs économiques et certains hauts dignitaires, ce qui cause un tort énorme au trésor public. Il faut aussi développer la transparence dans la gestion budgétaire, notamment avec la participation du public. Les citoyens doivent être associés dans l'élaboration du budget. Il faut que le gouvernement renoue avec la pratique de publier les documents budgétaires pour permettre aux citoyens d'être informés sur la façon dont l'argent est géré. Le contrôle après l'exécution budgétaire pour s'assurer de la bonne exécution du budget. Il faut punir avec sévérité ceux qui se rendent coupables des malversations économiques parce que le détournement des deniers publics et comme une épée dans le dos du contribuable. Il faut se développer les bonnes pratiques comme la déclaration des biens par les mandataires publics. Parce que le principe de déclaration des biens rappelle aux autorités que l'argent du contribuable ne leur appartient pas. Et enfin, parce qu'il rappelle qu'il faut que l'OBR ne soit pas considéré comme une institution au-dessus de la loi, que l'OBR aussi devait subir un audit externe par les institutions externes. Ça peut être la Cour des comptes ou une autre institution bien outillé pour que aussi l'OBR sache que c'est une institution qui doit rendre compte aux citoyens de la façon dont il s'acquitte de cette mission de perception des impôts et taxes dans le pays. Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Parsem et 40 agents de l'Office burundais des recettes ont été limogés pendant que 12 autres ont été emprisonnés au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023. Le commissaire général de l'OBR l'a déclaré ce mardi 5 décembre lors de la célébration de la 8e édition de la journée du contribuable. De son côté, le président burundais Évariste Ndayishimiye a indiqué qu'il ne peut plus tolérer la fraude douanière. Un reportage de Mireille Kanyang. Vous voudrez bien nous excuser, nous retrouverons ce reportage tout à l'heure. Parlons de toute autre chose. Plus de 350 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés dans les écoles fondamentales, tandis que 668 cas ont été enregistrés au niveau post-fondamental, selon la déclaration de la présidente de la BOUBEF. Ces données sont fournies par le ministère de l'Éducation nationale au cours de l'année scolaire 2021-2022. Floride Ndakoraniwe l'a déclaré ce mardi à l'occasion de la Journée nationale des volontaires. Ces derniers contribuent à la promotion de la santé sexuelle et la lutte contre les grossesses non désirées. On l'écoute. La Journée internationale des volontaires a comme objectif de promouvoir le rôle des volontaires, de soutenir leurs actions et de reconnaître leur contribution au développement des organisations de la société civile, mais aussi à celui du pays. Les volontaires appuie dans la prestation de services à la BOBF. Il contribue dans la sensibilisation des jeunes sur l'éducation à la santé et au bien-être des adolescents et jeunes. Les grossesses non planifiées ont des conséquences négatives, non seulement sur le plan individuel et communautaire, mais également sur le développement socio-économique, l'emploi, la répartition des revenus, la pauvreté et la protection sociale, en ce sens que beaucoup de familles ne sont pas capables de prendre en charge leurs enfants. Selon les données fournies par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, de l'année scolaire 2021-2022, 351 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés dans les écoles fondamentales, tandis que 668 cas ont été enregistrés au poste fondamental. Au total, c'est 1019 cas enregistrés. Le nombre de filles âgées de 13 ans et plus dans les écoles fondamentales est de 349 513, tandis que le nombre de filles âgées de 13 ans et plus au poste fondamental et de 177 909. Nous constatons que les grossesses non désirées contribuent à une croissance démographique. La BOBF veut éveiller la conscience de tout un chacun sur ses droits afin qu'il puisse s'approprier de ses droits de décision en matière de reproduction. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Dans les nouvelles de Provence, une femme a été tuée, une autre violée au cours de l'année de ce lundi à mardi à la 5e transversale et au village 6 en commune Guihanga de la province Bobanza. Dans le même village, un groupe de bandits ont dévalisé 4 ménages, certains biens retrouvés, y compris un casier de bière Primus que ces bandits buvaient jusque ce mardi matin. Deux d'entre eux ont été arrêtés, les autres ont réussi à prendre le large. Les sources policières et administratives indiquent que les enquêtes sont en cours. Spécialitas Kavanyana. Cette femme qui a été tuée au cours de cette nuit et qui s'appelle Chantal Kwizera venait de passer seulement 3 mois à la 5e transversale de Guihanga. Elle habitait auparavant à Chia, en commune Bubanza, selon les voisins, qui précisent qu'ils ont constaté qu'elle a été tuée ce mardi matin devant sa maison et elle était même déjà séparée de son mari, selon la même source. Un suspect qui aurait passé la journée de ce lundi avec elle a été arrêté pour enquête, selon la même source. Et au village 6, dans la même commune, 4 ménages de la première avenue ont été dévalisés par un groupe de bandits armés de machettes et de baïonnettes, selon les témoins sur place. Ils ont trouvé une vieille femme seule dans l'une de ces maisons. Ils ont pillé tout ce qui s'y trouvait, y compris 24 000 francs qu'elle détenait, selon l'administration locale, et ils l'ont violée. En commettant ce crime, ils l'ont menacée qu'elle allait être tuée si elle criait au secours. Ce mardi, les habitants de la localité ont aperçu ces bandits dans un champ de maïs en train de boire de la bière de Primus qu'ils avaient volée. Tandis que le gros du butin était déjà caché, les habitants ont pu trouver un casier de Primus et un vélo seulement. 2 bandits ont été attrapés, 2 autres ont pris le large. Arrivés à la police, les 2 voleurs n'ont pas été reçus. Ils avaient été sérieusement tabassés. La police a obligé à ceux qui les amenaient d'aller d'abord les faire soigner. Spes Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Et deux présumés auteurs de viol, tous habitant la commune Wurambi de la province Rumonge, ont été arrêtés par la police ce lundi, alors que l'un d'eux n'est pas encore parvenu à la police judiciaire suite à un arrangement à l'amiable qui serait en train d'être négocié entre parents. Sylvain Majeur Sinda Igaya, avocat et défenseur des droits humains à Rumonge, prévient que tout complice dans ce genre d'arrangement est puni comme celui qui a commis l'infraction. Jean-Pierre Misago. Parmi les 2 jeunes gens arrêtés ce lundi par la police poursuivie pour viol en commune Wurambi, un seul a été conduit au cachot du commissariat provincial de Rumonge le soir de ce lundi. Des sources policières à Rumonge confirment sa rétention et son dossier en cours de confection. Cependant, l'élève arrêté au lycée communal après son examen ce lundi, sur mandat d'amener du procureur de la République de Rumonge, signé le 30 novembre dernier, lequel élève a été conduit, mais noté par un policier en compagnie d'un parent de la victime qui serait actuellement enceinte, n'est pas parvenue à l'officier de police judiciaire à Mourago, au chef-lieu de la commune Burambi. L'affaire se serait ensuite arrangée à l'amiable, selon des sources à Rutwenzi. Pour Maître Sylvain Majeur Sindaigaya, avocat et défenseur des droits de l'homme à Rumonge, le recours à l'arrangement à l'amiable dans ce genre d'infraction ne fait que pérenniser ces violences. Il y rappelle que la loi sur les violences basées sur le genre considère le règlement à l'amiable dans ces affaires comme complicité à l'acte de violence et passible de la même peine que celle prévue à cette infraction. Par ailleurs, la peine est portée au double en cas d'obstruction aux enquêtes faite par un administratif, une autorité judiciaire ou policière, selon cet avocat. Ce défenseur des droits de l'homme appelle les auteurs de ces infractions à y renoncer définitivement, car il s'agit des infractions inamnistiables, incompressibles et non graciables. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. On retrouve maintenant le reportage de Mireille Kanyangé sur la célébration de la 8e édition de la journée du contribuable. Lors de cette célébration, le ministre des Finances, Audace Niyonzima, a précisé que dans le programme de lutte contre la fraude et les détournements des fonds publics, il faudrait ajouter sur la liste le personnel des marchés publics dans tout le pays, ainsi que les agences en douane. De son côté, le commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR, Jean-Claude Manirakiza, a informé que sur ces 5 derniers mois, plus de 950 dossiers relatifs à la fraude douanière ont été enregistrés avec 32 dossiers analysés en flagrance, ce qui a rapporté près de 2 milliards de francs burundais dans le trésor public. Il a en outre indiqué qu'au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023, 40 agents de l'OBR ont été limogés suite à la fraude des impôts et taxes et 12 autres emprisonnés. Parlant encore une fois de cette lutte contre la fraude, le président burundais Évariste Ndayishimiye a pointé du doigt le commissariat des douanes et des taxes internes qui, ne tolérant pas les agents de l'OBR de bonne foi, passent plutôt à des mutations. Selon toujours le numéro 1 burundais, certains dirigeants faussent compagnie au président. Vaut mieux qu'ils choisissent un autre commandant, dit-il, en 2027. Dans tous les livres que j'ai lus et différents documents, ce que j'ai suivi, c'est qu'un bon dirigeant montre à ses dirigés ce qui ne va pas et comment corriger les erreurs. Pourquoi est-ce que vous dites que je ne suis pas un bon dirigeant quand je le dénonce? Ça se peut que je sois un mauvais commandant. Ne vous en faites pas. C'est proche 2027. Vous allez choisir un autre commandant bon. Je peux ne pas être bon, mais à ce que je sache, c'est que je dois vous montrer vos erreurs. En cette journée du contribuable, il n'y a pas eu de prix décerné aux contribuables. Ce sera fait après la digitalisation qui vient de faire 3 mois, une digitalisation consistant à la télédéclaration et au télépaiement des impôts et taxes. Grâce à cette digitalisation, 157 milliards de francs burundais ont été collectés durant le mois de novembre de cette année contre des prévisions de 138 milliards de francs burundais. Mireille Kanyang. Les responsables des orphelinats doivent d'abord se rassurer de la condition de vie de l'enfant pour qu'il puisse intégrer ce genre de centre. Précision du responsable de l'orphelinat, Remamwana Abubanza. Tarsil Ndayishimiye dit qu'ils sont confrontés au manque de ressources. Le chef de cabinet du gouverneur en province Bubanza interpelle les bienfaiteurs à toujours appuyer ces centres d'accueil pour le bien-être des enfants, après avoir constaté que la plupart se manifestent, surtout en période de fin d'année seulement. Le point avec Ornella Mouch. Avant que l'enfant soit intégré dans l'orphelinat, les centres d'accueil ou orphelinats doivent d'abord tenir compte des conditions de vie que mène cet enfant. Précision donnée par Tarsil Ndayishimiye, responsable des centres d'accueil les Mamwana de Bubanza. Une personne qui veut amener un enfant vivre dans cet orphelinat, elle vient d'abord nous expliquer les problèmes ou les conditions dans lesquelles cet enfant vit. Après, nous devons mener des enquêtes l'enquête pour savoir si l'histoire est vraie ou fausse. Si c'est réel, on passe à l'enregistrement de cet enfant et on l'amène vivre ici. Mais il y a une condition, il doit y avoir un responsable qui s'engage de prendre en charge cet enfant une fois que cet orphelinat ne sera plus fonctionnel. Malgré les initiatives, elle indique que ces centres ont besoin d'être soutenus pour contribuer efficacement au bien-être de ces enfants. Ce centre Remamgana fait face au défi de moyens limités pour survenir comme il le faut à tous les besoins des enfants, car nous hébergeons un grand nombre. Même si nous les prenons en charge, il y a des difficultés. Nous avons besoin d'être appuyés. Le chef de cabinet du gouverneur en province de Mubanza, Jean-Bosco Nduimana, affirme aussi que ces centres ont généralement des ressources limitées, d'où la nécessité d'être appuyés. On a observé que beaucoup de bienfaiteurs se souviennent de ces orphelinats pendant les fêtes, mais en oubliant que ces enfants qui vivent dans ces orphelinats ont besoin de manger au quotidien. Alors, on aimerait demander à tout bienfaiteur de tout faire pour aider les responsables de ces orphelinats à trouver de quoi manger, de quoi se vêtir, tout consort, parce que ces enfants devraient avoir une vie, devraient mener une vie comme d'autres enfants qui se trouvent dans les ménages mènent une bonne vie. On demanderait à toute personne animée de bon cœur d'approcher ces orphelinats. Autre chose à souligner est que dans toute la province de Mubanza, il y a seulement 8 centres d'accueil ou orphelinats, dont 6 en commune Gihanga et 2 en commune Mubanza, alors que le nombre d'enfants qui ont besoin d'être soutenus est élevé. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.